Je me suis jamais vendu, j'aurais jamais à me racheter. J'ai que de la haine à cracher. J'rappe c'est réel, c'est plus que de la 4K, c'est plus que de la HD. Ils me font un million cette année, tu sais. J'ai les rêves de ma mère dans un coin de ma tête. Alors viens qu'on parle à faire, j'suis prêt à aimer, mais pas jusqu'au désamour de ma propre personne. On fera pas tout ce qu'ils veulent pour n'importe quelle somme. Cherche pas à savoir ce qu'il y a dans ma bouteille d'Evian. Mes gars peuvent tous être très chiants, bourrés mélancoliques parce qu'on vient de la France sacrée. Dis ouais, c'est fou l'endettement, fou comme la lame d'un petit cachet dans son survêtement. J'en ai marre des faits divers, des histoires de couteaux, des bandes rivales qui se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Bercé par les sirènes des pompiers, je me suis pas levé du bon pied. En vrai, je me suis pas levé tout court à 11h dans mon lit, je traînais. Un pote m'appelle, je réponds pas. J'ai peur de ce qu'il va me proposer et je culpabilise. C'est vrai qu'en ce moment, je suis pas très vif. Pourtant, je suis autant dans mes pensées que dans la vraie vie. Aujourd'hui, je suis là et demain, je suis ailleurs. La vie, c'est pas un film, je côtoie pas les acteurs. Je veux pas rester sur un banc stagné. J'irai toujours plus loin, même en marchant à pied. Aujourd'hui je suis là et demain je suis ailleurs. La vie c'est pas un film, je côtoie pas les acteurs. Je veux pas rester sur un banc stagné. J'irai toujours plus loin, même en marchant à pied. La nuit dernière j'ai fait un rêve. Je me suis vu gratter mes premières mesures. J'écrivais le soir de Ricaï et RAF. La solitude c'est un lieu sûr. Assis sur un escalier, frotter sa plume jusqu'à l'usure sur un cahier. J'avais que mes rêves comme tableau de bord. Ce soir la lune est rouge comme dans Bloodborne. Les vrais le savent, rapper fort jusqu'à faire chez Kral enceinte. Tu t'entrapes, j'ai même pas percé. Parfois j'ai l'impression d'être un ancien. Mais au fond, qu'est-ce que la musique? Des souffrances sur une mélodie. J'ai pris des risques hallucinants, j'aurais pu rester à l'usine. Les deux mains dans le ciment, victime des inégalités. J'aurais pu me braquer sur moi-même comme un suicidaire. Moi je connais bien la trahison, attendre que la colère passe et n'écouter que soi-même. Mais au final, la rupture c'est comme à chaque début de couplet. Le plus dur c'est la première phase. Mais qu'est-ce que je t'aime, sale tétrave. Tu peux pas savoir l'émotion sur la scène, s'achète à. J'étais loin d'être une pulcra, je pensais raconter une vie que personne calculerait. Je la connais bien la galère, les fins de mois où il te reste qu'un sachet de potes. Et même si j'en ai pas l'air, tu peux me croire, il se cache quelqu'un sous cette cape. Aujourd'hui je suis là et demain je suis ailleurs. La vie c'est pas un film, je côtoie pas les acteurs. Je veux pas rester sur un banc stagné. J'irai toujours plus loin, même en marchant à pied. Aujourd'hui je suis là et demain je suis ailleurs. La vie c'est pas un film, je côtoie pas les acteurs. Je veux pas rester sur un banc stagné. J'irai toujours plus loin, même en marchant à pied. Aujourd'hui je suis là et demain je suis ailleurs. La vie c'est pas un film, je côtoie pas les acteurs. Je veux pas rester sur un banc stagné. J'irai toujours plus loin, même en marchant à pied.